Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. Cinquième épisode. Quelle est la nature de la traque du cachalot blanc dans laquelle Akab a entraîné son équipage? Les rumeurs qui circulent dans le monde de la pêche baleinière ont fait de Moby Dick un animal à demi fabuleux, doué d'une intelligence et d'une férocité diabolique. Akab, victime de sa fureur guerrière, voit dans le cachalot blanc l'incarnation du mal dans l'univers. Il est obsédé par ce mystère scandaleux qui accable l'humanité depuis toujours. La part de raison qui lui reste s'est mise au service exclusif de sa folie. Pour réaliser son dessein, il a embarqué clandestinement à bord du Pequod un équipage de 4 Philippins mené par un Parsi du nom de Fedala, lointain descendant des adorateurs de Zarathoustra, qui paraît exercer sur lui une puissante influence bien difficile à définir cependant. Après avoir passé le cap de Bonne-Espérance, nous rencontrâmes l'Albatros, un navire cachalotier de Nantucket. Durant la communication que nous eûmes avec ce bâtiment, l'un des marins du bord nous narra, à moi-même et à 3 de mes camarades du Pequod, une étrange histoire concernant Moby Dick. Elle nous impressionna si fort que nous décidâmes de n'en souffler mot à personne sur le Pequod, de sorte qu'elle ne parvint jamais aux oreilles d'Akab et de ses lieutenants. Je vous la redirai dans le style que j'eus l'idée d'adopter à Lima il y a quelques années, une veille de fête à l'auberge dorée où je passais une soirée en compagnie de 2 amis espagnols, Don Pedro et Don Sebastian. Je me garderai d'omettre les questions et interventions de mon public d'alors. Permettez-moi, mes amis, de vous présenter les 2 principaux protagonistes de mon récit. Steelkilt, d'abord, l'homme des lacs, une tête brûlée. Un homme des lacs? Expliquez-nous, Seigneur Ismaël, ce qu'est un homme des lacs. Don Sebastian, c'est ainsi que nous appelons les mariniers ou bateliers qui naviguent sur le long canal de l'Errier, qui relie nos grands lacs à la ville de New York. Ces lacs sont de véritables mers intérieures, balayées par de terribles tempêtes. Et Steelkilt, tout terrien qu'il fût, avait été nourri de leur sauvagerie. C'était une espèce de diable, mais il savait s'incliner devant la fermeté, pourvu qu'on respectât sa dignité d'homme. Mon autre personnage, Radney, le second de l'Albatros, avait passé son enfance sur la grève désolée de Nantucket avant de sillonner les 4 océans. Ce n'était pas un mauvais bougre, mais en mer, il était aussi querelleur qu'un coureur des bois de notre ouest sauvage. L'Albatros, donc, croisait dans les eaux de votre Pacifique quand une importante voie d'eau fut découverte un matin dans la cale. On crut qu'un espadon avait transpercé la coque. Le capitaine décida de mettre le cap sur le port le plus proche pour réparer l'avarie et les équipes se relayèrent plusieurs heures par jour aux pompes. Radney se montrait particulièrement impatient de gagner la terre, non pas, semble-t-il, par couardise, mais parce qu'il était l'un des propriétaires du bâtiment et songeait avant tout à la sûreté du navire. Aussi, les plaisanteries allèrent-elles bon train ce soir-là parmi les marins qui travaillaient aux pompes, les pieds recouverts d'une eau claire et clapotante. Quand Steelkilt vit Radney s'approcher des hommes qui transpiraient à grosses gouttes, il fit mine de ne pas le remarquer et poursuivit ses joyeuses badineries. Pauvre vieux Rad! Ses actions lui coûtent cher depuis que l'espadon a commencé son travail. Et la vérité, c'est qu'il est revenu avec une escouade de poissonciers et de poissons limes pour l'achever. Si je croisais le vieux Rad à cet instant, je lui dirais de sauter par-dessus bord et de les disperser, parce qu'ils sont en train de ficher en l'air tout son bien. Le second feignit de ne pas avoir entendu le bavardage de Steelkilt. Sacré nom, pourquoi cette pompe s'arrête-t-elle? Steelkilt, faites la cracher un peu mieux que ça. Bien sûr, monsieur. Et du nerf, les enfants, du nerf! Steelkilt était un grand et noble animal, avec une tête de romain et une longue barbe dorée. Et il avait, messieurs, la majesté tranquille, le cerveau, l'âme d'un Charlemagne. Radney, lui, était laid comme un mulet, aussi robuste et buté et aussi mauvais. Il n'aimait pas Steelkilt, et Steelkilt le savait. Radney détenait l'autorité, mais son subalterne possédait une noblesse humaine manifestement supérieure à la sienne. D'où son antipathie et sa rancœur. Dès que l'homme des lacs eut terminé son travail harassant, il regagna le pont. Radney, poussé par quelques malins démons, se dirigea vers lui, l'air menaçant. Steelkilt, allez chercher un balai. Vous nettoierez toutes les saletés autour du parc à cochons. C'était un ordre délibérément insultant, car le nettoyage des ponts est du ressort des mousses. Steelkilt perçut l'éclair de rage dans les yeux du second, mais répugna d'abord à l'attiser. Et il lui répondit de sa voix habituelle, un peu éraillée cependant par l'extrême fatigue dont son corps continuait à souffrir. Le nettoyage des immondices des cochons n'est pas mon affaire, monsieur. Mais celle de ces trois jeunes gens là-bas, qui me semblent parfaitement oisifs. Je vous ordonne de faire ce que j'ai dit. Radney saisit alors un maillet de tonnelier posé sur un baril et réitéra son ordre en agitant le maillet à deux doigts du visage de Steelkilt. Je ne vous obéirai pas, monsieur. Posez ce maillet ou prenez garde à vous. Mais le second continua à avancer son lourd marteau à quelques millimètres de la joue de Steelkilt. Celui-ci serrait son poing droit dans son dos. Si vous approchez davantage, monsieur, je vous tuerai. La patience de Steelkilt était maintenant usée. Lorsque le maillet effleura sa joue, le poing partit et Radney, la mâchoire défoncée, s'écroula sur l'écoutille, crachant le sang comme une baleine. Seigneur Jésus. Avant de poursuivre, mes bons amis, je reprendrai bien un verre de cette excellente bière de maïs. Est-ce bien cela? Nous l'appelons Chicha, seigneur. Dans la demi-heure qui suivit, la plus grande confusion régna sur le pont. Pour finir, Steelkilt, aidé de deux de ses camarades bateliers et de quelques autres marins, parvint à échapper aux officiers qui tentaient de le maîtriser, et le petit groupe se réfugia derrière une barricade élevée à la hâte sur le gaillard d'avant. Le capitaine les menaça de son pistolet, mais Steelkilt ne se laissa pas impressionner. Sortez de là, pirates, coupeurs de gorge! Promettez-vous dans ce cas de ne pas nous toucher! Avant-poste! Je ne promets rien! Au travail! Voulez-vous donc faire couler le navire en l'abandonnant à un moment pareil? Ce n'est pas notre faute! Le second l'a cherché! Je l'avais bien dit de poser ce maillet! Il aurait dû savoir qui je suis! Allons, capitaine! Ne soyez pas idiots! Traitez-nous convenablement! Et nous sommes vos hommes! Nous sommes vos hommes! Le capitaine obtint que les 10 mutins descendent dans le poste d'équipage où il les enferma au cadenas. Ils demeurèrent dans cet antre obscur pendant 3 jours. Puis, les odeurs fétides et le régime de famine auquel ils étaient soumis vinrent à bout de la résistance de 4 hommes d'abord, puis de 3 autres qui se précipitèrent à l'air libre en se déclarant prêts à reprendre leur poste. Il n'en restait plus que 3. Steelkilt proposa aux 2 mariniers de faire une sortie en force. Et une fois sur le pont, de tenter par tous les moyens possibles de se rendre maître du navire avec, espérait-il, l'aide d'autres matelots. Ses camarades lui jurèrent loyauté, mais ils s'entendirent secrètement pour livrer leur chef, pensant ainsi s'assurer le pardon du capitaine. C'était mal connaître le commandant, dont le triomphe était maintenant complet. Les 3 mutins furent saisis et traînés sur le pont comme du bétail mort et hissés côte à côte au hauban d'Artimon, où, tels des quartiers de viande, ils demeurèrent suspendus jusqu'au matin. Crapule, le diable vous emporte! Les vautours eux-mêmes ne voudraient pas de vous! Et il fouetta les 2 traîtres qui avaient livré le meneur jusqu'à ce qu'ils cessent de crier. Quant à toi, Steelkilt, toi qui n'as pas voulu céder, ôtez-lui son baillon Et écoutons ce qu'il nous dira pour sa défense. Le mutin épuisé tourna douloureusement la tête et murmura dans une sorte de sifflement. Je dis, capitaine, que si vous me fouettez, je vous tue. Vraiment? Tu as vu de quelle manière je me suis servi de ce bout de cordage? Eh bien, je vais continuer. Essayez seulement. Il le faut. Steelkill chuchota alors quelque chose qui ne fut entendu que du seul capitaine. Celui-ci, à la stupéfaction générale, fit un bond en arrière. On le vit arpenter fébrilement le pont deux ou trois fois, puis jetant son cordage sur les planches... Non, je renonce. Détachez-le. Coupez ses liens, vous m'entendez ? À cet instant, un homme pâle à la tête enveloppée de bandages apparut. Radney, le second. Il pouvait à peine parler, mais bredouilla qu'il était prêt, lui, à faire ce que le capitaine n'avait pas osé. Il saisit le cordage et s'approcha de Steelkild. Un nouveau sifflement arrêta son bras levé, mais son hésitation fut de courte durée et il administra à son ennemi garrotté la punition promise. Seigneur Jésus. Quand commence le troisième et dernier acte du drame, Steelkild a repris sa place dans l'équipage. Il obéit sans broncher, mais il a réussi à convaincre ses camarades de déserter en bloc dès que le navire touchera au port pour réparer sa voie d'eau. Et pour hâter la fin du voyage, de ne pas signaler les baleines qu'on pourrait apercevoir. En réalité, Steelkild élaborait secrètement un plan de vengeance personnelle. Je ne doute pas, quant à moi, que Radney n'aurait pas terminé cette croisière vivant si le cri d'un idiot n'avait épargné au meurtrier en puissance l'exécution de l'acte sanglant qu'il préméditait. Mais le ciel parut intervenir pour lui arracher des mains et commettre lui-même le geste qui eût damné le marin. Un matin, au lever du soleil, un imbécile de Tenerife qui tirait de l'eau sous les portes haubans aperçut un cachalot. C'était Moby Dick. Par Saint-Dominique, vos baleines ont-elles des noms de baptême? Les plus fameuses, oui, Don Pedro. Celle-ci est un cachalot très blanc, terriblement meurtrier, un monstre immortel dont l'histoire ou la légende serait trop longue à raconter. Or donc, ce marin de Tenerife, terrifié par ce qu'il voyait, oublia le pacte qui liait les membres de l'équipage et signala le monstre d'une voix bien sonore. Cachalot blanc ! Ce fut aussitôt sur le pont une agitation frénétique. Le cachalot blanc ! Les hommes contemplaient enfin, fascinés, l'énorme masse laiteuse qui se mouvait et scintillait sous les feux pailletés du soleil levant, telle une opale vivante sur l'azur des eaux. Comme si tout cet épisode avait été écrit d'avance, avant même que la carte du monde eût été dressée, le premier canotier de la baleinière de Radney, ce matin-là, se trouva être le mutin. Après une nage vigoureuse, le harponneur de Radney piqua et Radney bondit à la proue la lance à la main. En proie à une excitation extrême, il criait à travers son bandage qu'on l'échoue sur la bosse du cachalot. Steelkilt l'amena plus près et le canot finit par heurter le flanc de l'animal. Le second fut alors projeté sur son dos glissant. On le vit ensuite dans les flots. Il se débattait dans les remous, cherchant à se dérober au regard de Moby Dick. Mais le cachalot vira soudain tel un maelstrom, saisit le nageur entre ses mâchoires, se dressa dans l'eau de toute sa hauteur et, le tenant toujours, plongea et s'enfonça dans les profondeurs. Steelkilt observait la scène, roulant dans sa tête de secrètes pensées. Quand la ligne du harpon se tendit à nouveau, il la trancha. Le cachalot était libre. Il réapparut à quelque distance de là, avec des lambeaux de la chemise rouge de Radney accrochés aux dents qui l'avaient broyé. Les quatre baleinières lui donnèrent la chasse, mais en vain. Il finit par disparaître tout à fait. Plus tard, lorsque l'Albatros atteignit sa relâche, presque tout l'équipage mené par Steelkilt déserta, parvint à s'emparer d'une pirogue double et fit voile vers Tahiti. Dites-moi, je vous prie, si en votre fort intérieur, vous êtes convaincu que cette histoire est vraie pour l'essentiel. Oui, elle est si extraordinaire. La tenez-vous d'une source sûre? Sur mon honneur, messieurs, l'histoire que je vous ai contée est entièrement vraie. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaborski. Cinquième épisode avec Christophe Giordano, Ismaël, Jean-Benoît Terral, Don Sébastien, Vincent de Bouard, Don Pedro, Loïc Audret, Silkelt, Marc Barbet, Radney, Hervé Furic, le capitaine de l'Albatros, et Maurice Anthony, Olivier Arrigui, Grégory Kidel, Abel Aboualitaine, Pierre-Jean Pagès, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cato. Et avec Philippe Brunto, disparu en mer. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Adrien Roch, Marie Placet, Jean-Mathieu Zande. Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski à la Bibliothèque de la Pléiade.